99 boulevard Bastien Wendake via Robert Bourassa Nord. 88 842 2734. Pédalier.ca. Bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, plein de bonnes choses, vous vous en doutez bien. Et on va donner le coup d'envoi de l'émission avec un extrait du tout nouvel album de Samurai of Prog. L'album a pour titre The White Snake and Other Grim Tales 2. Ça, c'est le titre au complet. Un album qui s'avère être en fait le 12e album de cette formation multinationale. Et pour ce 12e album, je vous dirais que les musiciens sont en grande majorité italiens. On y retrouve notamment le grand Alessandro Corvaglia de La Maschera di Cera. On a aussi Stefano Galifi de Museo Rosenbach et beaucoup d'autres. Un album vraiment là, qui vient pas déparer la discographie déjà assez imposante de Samurai of Prog. Ce sera suivi de, ça c'est une formation qu'on peut qualifier, je vous dirais, d'américaine, Exo Ex Zeno, un groupe fondé par le guitariste et chanteur Greg Maher et qui compte aussi dans ses rangs Billy Sherwood, bon, que tout le monde connaît, ou à peu près. Le batteur, c'est Jay Skellen, qui a joué avec Asia, notamment. Et au clavier, on retrouve le légendaire Patrick Moraz, qui a fait partie de Yes, de Refugee, de Moody Blues. Et c'est un second extrait pour ce groupe. Et puis, je pense qu'un album est sur le point, mais il va y avoir un troisième extrait avant que l'album ne paraisse. Et puis, par la suite, Marc, je pense qu'on visite la Norvège et puis aussi l'Italie. Oui, on poursuivra avec une pièce du groupe Imele Geme, tirée de leur nouvel album qui va paraître le 1er octobre prochain, l'album Variola Vera. Un album concept là, sur l'impact que les humains ont sur la planète, la destruction qu'on laisse derrière nous. Et donc, on aura une pièce en primeur ce soir. Oui, et on aura la pièce Let the Mother Burn. Et ce sera suivi de la formation italienne Ora Prima, tiré de l'album L'Uomo delle Genti. Ça, c'est un album concept sur l'histoire des saints, Saint-Nicolas, Saint-Patron, etc. Donc, une pièce de Ora Prima, mais tout d'abord de Samurai of Prog et Exo Ex Xeno et également Emele Geme. He once was a king, he didn't know his kingdom of fairy tales was to suffer such a fate. A boy with a call, he's poor but so lucky. 19 years and the prophecy would be reality. He's poor but he knows a devil can't get rid of him. Said, give him to me, I will take care of him. Here's your gold, give him to me. The water will be his grave. In the letter you'll find your grave. The child of destiny, poor but so lucky. The miller will take care of him. Said, come to me, child of fortune. Here's your gold, take the road. This letter will be your grave. For the sake of the kingdom, you'll find your grave. We'll Don't pull my hair. was I for? Why did you wake me this way?

la gente cammina per le strade, per le molte mani si passa il pane. È un incrocio di lingue questa città, crocevie di barche in festa. Con gli occhi bagnati di luce, un copricapo di colori in fila verso la chiesa si va. E lì sulla pietra inciso il coro delle silenti voci del mondo, dove respira la manna come segno del passaggio, storia di un uomo e di marinai e di un viaggio. E se il tempo serberà il ricordo, questa pietra, questa città ne saranno la traccia, la fiamma di una candela, il profumo della cera. Oggi come ieri, lacrime fedeli al passaggio, come gocce sui fiori. things to try now. Let it go, dust grow. Let the evening go. Guilt, nothing but a nuisance. Raise your heart of weaknesses. Deep inside we find communication station. Thank you. CKRL 89.1 Québec. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Les Arches de l'Entente, c'est inspiré de la structure des Maisons Longues, qui est aussi apparentée à la structure de l'abri temporaire pour les voitures. C'est en fusionnant ces deux cultures-là dans une forme reconnaissable, la structure de l'arche, et ça symbolise l'entente entre deux nations. À découvrir sur la fabrique culturelle. Ma pratique est beaucoup reliée à investir le lieu, à prendre le plus d'espace possible dans le terrain qui m'est donné, puis de s'intégrer avec les caractéristiques architecturales. Beaucoup influencé par les défis techniques que ça engendre. Les Arches de l'Entente, de Ludovic Bonnet, au Musée de la Civilisation. L'œuvre de Ludovic Bonnet s'inscrit aussi dans le contexte du Grand Hall du Musée de la Civilisation, où il y a une présence historique importante et où il y a aussi d'autres œuvres d'art. Évidemment, à commencer par l'œuvre d'Astéroge, qui a été installée au musée en 1988 pour l'inauguration du musée. Donc, il fallait que l'œuvre de Ludovic s'intègre dans tout ça. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. C'est le retour du cinéma en salle dans les cinémas Le Clap Sainte-Foy et Loretteville. Présentement à l'affiche. Anormal, Basket spatial, une nouvelle ère, Chacun chez soi, Le guide de la famille parfaite et Jeu d'évasion, le tournoi des champions. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel et Marc. Alors, pour le troisième bloc musical, on aura une pièce de Steven Wilson tirée de son album Four and a Half. C'est un EP avec des pièces qui avaient été enregistrées durant les sessions d'enregistrement de The Raven That Refused to Sing et Hand Cannot Erase, ses albums les plus progressifs. Donc, paru en 2016, on aura la pièce My Book of Regrets. Mais tout d'abord, une formation française que tu nous as déjà fait jouer, Michel, l'œuvre d'Aurélien Goude. Oui, tu parles de Esthésis. Formation française originaire de Toulouse, un premier album paru en 2020, et je pense que pour moi, en tout cas, ça a été une des belles surprises de cette année-là, 2020. L'album a pour titre The Awakening, et c'est la pièce d'ouverture qu'on va entendre, une épique de 16 minutes quelques. Et puis, musicalement, ben écoutez, on peut faire le lien assez facilement avec notre autre sujet du bloc, c'est-à-dire Steven Wilson. Je pense qu'il y a quand même un bon lien de parenté. Et j'ai bien l'impression que M. Aurélien Goude en a écouté, évidemment, de Steven Wilson. Et ça va être un extrait, comme tu disais, Marc, de l'album « Four and a Half ». Et la pièce « My Book of Regret », selon ce qu'on peut lire, c'est que ça serait adapté d'un enregistrement d'un concert à Montréal en 2015. Et puis ceux qui s'étaient procuré la version, le Blu-ray, en 2016, ben, ils avaient droit à 7, 8, 9, 10 et 11, 12, parce qu'il y en avait seulement 6 sur l'original. Et puis, ben, on retrouve deux versions, justement, de My Book of Regrets. Et la pièce qu'on va écouter dans quelques instants. Mais en attendant, on y va avec Esthésis, de l'album The Awakening. of despair. Your hand, wake up slowly and show me.

Fred Jourdain liquide tout son inventaire à la boutique Les Trafiquants d'art au 975A 3e Avenue à Limoilou. Profitez de 25 % de rabais sur toutes les œuvres en inventaire. Si toutefois vous préférez magasiner en ligne, obtenez l'expédition gratuite et 20 % de réduction sur toutes vos commandes en utilisant le code promo déménagement au moment de payer votre commande sur fredjourdain.com. Fred Jourdain vous souhaite un bon déménagement et un merveilleux été. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Devenez membre de CKRL pour 25 $ et stimulez l'élan créateur de nos passionnés et mordus de radio. Une nouveauté cette année, CKRL offre en exclusivité à ses membres 52 tirages de prix culturels à chaque semaine dans l'émission Les Matins éphémères et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 418-640-2575, poste 201 ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. On parlait la semaine dernière, Michel, de 2004, et ça m'a fait penser à cet album excellent qu'on avait découvert au début de nos émissions, Matthew Parmenter et son premier album Astray. J'ai eu beaucoup de plaisir à réécouter cet album récemment, et j'ai pensé faire jouer la pièce Dirty Mind de cet album-là. Et le bloc débutera avec Ellesmere, une autre excellente formation qu'on a présenté amplement l'an dernier avec leur excellent album Weird. Oui, tout à fait. Un disque qu'on a présenté à plusieurs reprises et avec raison, parce que pour moi, ça demeure un des grands albums de 2020, un des meilleurs albums de prog italien et un des meilleurs albums de prog tout court de 2020 pour moi. Et puis, tu parlais de Matthew Parmenter. Effectivement, 2004, oui. Une première échappée en solo pour Matthew, qui est leader de discipline. Et on a eu le plaisir de recevoir Matthew Parmenter en 2009 pour une prestation solo à Terra Incognita. Et je me rappelle, ça c'est un beau souvenir, je me rappelle, les gens étaient sceptiques au début parce qu'il était seul sur scène avec un clavier, une guitare. Mais il y en a plusieurs qui sont tombés à terre devant une performance assez... Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Là, c'était quasiment digne de Peter Hamill en termes de charisme. Et puis, effectivement, le premier album, Astray, demeure encore pour moi un des bons essais de Matthew Parmenter. Et on y va, nous, avec Ellesmere, de l'album Weird. So the object of art Pour conclure l'émission ce soir, pour la dernière pièce, on a choisi une pièce de King Crimson. Oui, c'est vrai que c'est pas fréquent qu'on fait jouer des groupes qu'on appelle les groupes les géants du prog des années 70. Évidemment, Terra est plus axé sur la découverte, mais ce soir, on vous présente un extrait d'un album en concert paru en 2016. Le titre est assez long, je vais prendre ma feuille. Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind. Ça a été lancé en septembre 2016 sous la forme d'un... Je pense que c'est un quadruple où il y avait aussi la version 6 CD. Un album finalement qui immortalisait la tournée 2015 et les concerts retenus ont été enregistrés au Japon, au Canada et en France, mais on dit en bonne partie au Japon. Et puis, c'est du matériel qui... Ce qu'on peut situer en bonne partie entre 1969 et 1974, il y avait beaucoup de matériel qui n'avait pas été joué en concert depuis belle lurette. Et puis, évidemment, l'excuse pour vous présenter In the Court of Crimson King, c'est que le groupe va prendre la route dans 5 jours exactement. Et oui, ça fait du bien d'entendre des fois des nouvelles de même. Mais aux États-Unis, donc le 22 juillet, le groupe donne le coup d'envoi de sa tournée 2021 à Clearwater en Floride. Et puis, il s'ensuit des dates. Il y en a encore en Floride, en Georgie, au Tennessee. Il n'y a rien au Canada. Et puis, ça se boucle 11 septembre 2021. À Washington, D.C. Donc, il va y avoir des chanceux qui vont les voir en concert cet été. Et puis, je vous laisse sur ça, donc, avec In the Court of the Crimson King, et je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute qui suit dans quelques instants. C'était Michel Bilodeau et Marc Chenet avec vous depuis 22 heures. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste.